Chapitre deuxième. Il entra dans une chambre dépouillée de meubles et sans rideaux. Le curé, respectable vieillard en cheveux blancs, était assis sur une chaise à côté du lit de la malade. Madame de Menneville, pâle et amaigrie, répondait d'une voix faible aux consolations du pasteur. « Soyez le bienvenu aux herbages, monsieur le curé, » dit le chevalier en affectant une gaieté qui n'était pas dans son cœur. « Tant que je serai maître de ce petit domaine, et malheureusement je ne le serai pas longtemps, il recevra avec respect les hommes de Dieu. » Vos ennemis sont bien punis de leur injustice, monsieur le chevalier, répondit le curé. Je viens de la ferme. Monsieur Simon a été pris d'un mal subi, et peut-être n'existe-t-il plus au moment où je vous parle. Que Dieu a pitié de lui. Toute réconciliation est-elle donc impossible entre vous deux? Ne lui pardonnerez-vous pas à son lit de mort le mal qu'il vous a fait? Avez-vous mission de tenter un rapprochement? Eh bien, si je l'avais, monsieur le chevalier, seriez-vous inexorable? Je connais l'indigne conduite de Simon envers vous, et pourtant, je ne l'ai pas jugé indigne de pardon. Que je pardonne à ce misérable ? S'écria le chevalier avec une explosion de colère. Pardonner à cet infâme usurier, qui m'a arraché pouce à pouce mon héritage, qui a réduit ma femme au désespoir, qui demain, aujourd'hui, dans quelques moments peut-être, va me chasser, ma famille et moi, de notre dernier abri. Ne maudissez pas, s'écria le prêtre, je vous ai dit qu'il allait mourir. « Ah, il voulait unir son fils à ma fille !» reprit Menneville en se promenant avec vivacité dans la chambre. « Lui, ce paysan, cet homme repoussant, enrichi par le vol et l'usure. Ma fille, cette noble, cette pure enfant, aurait porté le nom flétrissant de Rognoliard ?» À ce mot prononcé avec une ironie méprisante, Octavie, qui venait de rentrer, se cacha le visage. « Mon ami, dit le malade doucement, ne confondez pas Charles avec son père. C'est un bon jeune homme. » D'un caractère loyal et généreux. Et que m'importe le fils de la vipère ? Interrompit impétueusement son mari. Qu'on ne m'en parle plus. Est-ce là votre dernier mot ? Dit le curé avec tristesse. Ne ferez-vous donc aucune concession, aucun sacrifice, sinon à votre position personnelle, du moins à celle de madame de Menneville, de votre fille ? Mon ami, si Octavie venait à nous perdre, dit la malade, que deviendrait-elle ? Si elle épousait le fils de cet homme, s'écria le chevalier, se sortir du tombeau pour la maudire. Octavie se jeta dans les bras de sa mère en poussant un cri d'effroi. Menneville ajouta après un moment de silence. Est-ce là tout ce que vous aviez à m'apprendre? Monsieur, dit le curé, en cherchant à imiter son ton froid et posé, j'ai encore une proposition à vous adresser. Un de mes amis de la ville, grand amateur d'oiseaux comme vous, m'a chargé de vous offrir 500 francs de votre pigeon couronné. 500 francs? Répéta le chevalier. Il m'en a coûté plus de 1000, et j'ai fait tout exprès le voyage de Paris pour me le procurer. 500 francs, un oiseau unique en France, l'espèce la plus estimée, la plus recherchée de toute la famille des pigeons. On ira à 1000 francs et plus haut, si cela est nécessaire, mais cédez-moi cet oiseau, l'argent vous sera compté ce soir, quel que soit le prix. Menneville hésita un moment. Non, je ne le puis, s'écria-t-il enfin, avec un effort douloureux. Quoi, vous refusez? « Mon beau pigeon couronné ?» dit le chevalier en se promenant d'un air égaré. « Oh, je ne veux pas le vendre. Madame Octavie, pardonnez-moi, mais je ne puis vendre mon pigeon couronné. » Il se pencha sur le lit de sa femme et la pressa dans ses bras. « Ayez pitié de lui, » dit madame de Menneville au curé d'un ton suppliant. « Oh oui, ayez pitié de moi, » continua le chevalier. « Car ce goût funeste, après m'avoir réduit à la misère, est plus puissant encore que mon amour pour elles deux. » Je les vois, là, mourantes, manquant de tout, et je ne puis adoucir leur infortune au prix que vous me demandez. « Eh bien, monsieur, » reprit le curé en se rapprochant de lui, « si ce marché vous est trop pénible, n'en parlons plus. Mais alors, acceptez comme prêt la somme que je vous propose. J'ai des amis riches. On ne vous gênera pas pour le paiement et peut-être... »« Une aumône !» dit le chevalier avec un accent de fierté blessée. « Oh !» Je travaillerai à la terre s'il le faut, mais je n'accepterai jamais ce que je ne suis pas sûr de pouvoir rendre. Je suis gentilhomme. » Il eut là un intervalle de silence. « Notre cher malade, reprit enfin le curé d'une voix altérée, me permettra du moins de lui offrir quelques gâteaux légers. Je les apportai de la ville à son intention. » Et il déposa 2 biscuits sur un vieux guéridon qui était près du lit. « Oh, pour cela, merci !» dit le chevalier, dont les yeux brillèrent de plaisir. Le prêtre, au moment de se retirer, adressait quelques paroles consolantes à Madame de Menneville. Tout à coup, Octavie, qui s'était approchée de la fenêtre, poussa un cri de terreur. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda la malade en tressaillant. « Maman, des hommes à figure sinistre s'avancent dans l'avenue. Ils viennent ici, mon Dieu, que nous veulent-ils ? » Le curé courut à la fenêtre. « Ce sont des huissiers et des recors, » s'écria-t-il. « Sans doute la propriété vendue. Ils viennent pour prendre possession ou pour saisir. Monsieur le chevalier, je vous supplie. » Il regarda autour de lui. Le chevalier n'était plus là. Des deux biscuits offerts à la malade, un seul se trouvait encore sur le guéridon. « Mesdames, » reprit le curé avec précipitation, sans s'arrêter à cette circonstance étrange, « il faut que je parte sur le champ. Dites à monsieur le chevalier de retenir ces gens le plus longtemps possible aux herbages, surtout qu'ils ne se portent à aucune violence. Moi, je vais trouver quelqu'un qui s'intéresse à vous. Peut-être, quand je reviendrai, les choses auront-elles changé de face. « Monsieur le curé, » s'écria Octavie, « vous nous abandonnez dans ce terrible moment. Qu'allons-nous devenir ?»« Il le faut, ma fille. Ayez bonne espérance. Je serai de retour dans une heure. Puisse Dieu amollir les cœurs secs et impitoyables. » Peu d'instants après, le bon vieillard s'éloignait de la maison au grand trot de son cheval. Octavie traversa le jardin et courut à la volière. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. Son père était là, debout, devant le beau pigeon couronné, auquel il avait apporté le biscuit dérobé à sa femme. « Il est malade, Octavie. Il ne mange pas. Oh, s'il allait mourir !» Des coups violents frappés à la porte ébranlèrent la maison. « Qu'est-ce donc ? » demanda Menneville d'un air distrait. « Ce sont des gens de justice. Ils viennent nous chasser d'ici. De grâce, chargez-vous de les recevoir. Moi, je retourne près de ma pauvre mère. Ce dernier coup pourrait lui être fatal. » Et il s'enfuit.